بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم bienvenue à tous. On commence aujourd'hui inshallah ta'ala le cinquième cours dans l'explication des annulatifs de l'islam par l'imam Mohammed, écrit par l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et aujourd'hui, on verra, inshallah ta'ala, deux annulatifs. On avait commencé à voir donc quelques annulatifs de l'islam. Et ce sujet, il est très important en réalité, car comme je l'ai dit précédemment, nous apprenons comment rentrer en islam. Et il est aussi important d'apprendre ce qui fait que l'individu sort de l'islam, afin que nous puissions nous éloigner de tout cela, afin de ne pas tomber dans les péchés qui font sortir de l'islam. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, Al-Khamisu, man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa law 'amila bihi kafar. Il nous dit le cinquième, donc le cinquième annulatif. Celui qui déteste quelque chose faisant partie de ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, même si cette personne œuvre avec cette chose, c'est-à-dire même si cette personne œuvre avec cette chose qu'elle déteste, alors elle a mécru. Et donc, si on comprend la parole de l'auteur, rahimahullah, on comprend que le simple fait d'avoir cette croyance dans le cœur, le simple fait de détester une chose qui fait partie de la religion d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète, il est venu avec, et donc ça fait partie de la religion d'Allah. Et donc, le fait de détester une chose qui fait partie de la religion d'Allah, cela va rendre vaines les œuvres. Et cela va faire la personne sortir de l'islam. Même si cette personne accomplit ce qu'elle déteste. Une personne qui déteste les cinq prières par jour, elle sort de l'islam, elle mécroit, elle tombe dans la mécréance, même si cette personne accomplit les cinq prières par jour. Juste le fait de les détester la fait sortir de l'islam. La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Cela car ils ont détesté ce qu'Allah a fait descendre, il a alors rendu vaines leurs œuvres. Il y a aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Cela car ils ont suivi ce qui entraîne la colère d'Allah et ont détesté les causes de sa satisfaction. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Une personne peut me dire, oui mais Abdelkarim, dans les deux versets que tu as cités, tu n'as pas dit que celui qui déteste ce qu'Allah a fait descendre, il n'est pas cité dans les versets que celui qui déteste ce qu'Allah a fait descendre va sortir de l'islam. C'est cité que ses œuvres deviennent vaines. Eh bien, c'est ça, tout simplement. Les œuvres d'un individu ne deviennent vaines que par la mécréance. Les œuvres d'un individu ne deviennent vaines que par la mécréance. Et donc, à partir du moment où la personne accomplit cela, la personne déteste quelque chose faisant partie de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette personne sort de l'islam et ses œuvres deviennent vaines. L'imam Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullahu ta'ala, il dit: Karahatu ma anzala Allah laysat maqsuratan 'ala al-wajibat bal hiya shamilatun li kulli shar'i Allah 'azza wa jalla kama qaddamna. Il dit: le fait de détester ce qu'Allah a fait descendre ne se limite pas aux obligations, mais cela comprend toute la législation d'Allah Azza wa Jal comme nous l'avons présentée. المسلم مخاطب بمحبة هذه الشرائع والشعائر كما أنه مخاطب باستعمالها وقد مضى أن الأمر يعفى عنه المرء ما عجز عنه أما النهي فلا بد من اجتنابه أو فلا بد من الاجتناب. Et donc il continue le Cheikh Ubayd حفظه الله تعالى et il nous dit: le musulman, il lui est demandé d'aimer ces éléments qui sont légiférés et ces rites de la même façon qu'il lui est demandé d'œuvrer avec. Et certes, nous avons déjà vu précédemment que l'individu est excusé, donc concernant les ordres dans la législation, l'individu est excusé quand il n'a pas la capacité. Par contre, concernant les interdictions, il est obligatoire de les délaisser. Ça, on l'avait vu donc dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit sallallahu alayhi wa sallam: ce que je vous ai interdit, alors délaissez-le. On le délaisse sur le champ. Et ce que je vous ai ordonné, alors faites-le en fonction de vos capacités. Et donc, concernant les ordres, nous sommes excusés dans l'incapacité. Par contre, concernant les interdits, il n'y a pas cette excuse. Il est impératif de les délaisser, les interdits. Et donc, ô chers frères, il est obligatoire, il nous est obligatoire d'aimer tout ce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sur nous. Tout ce qu'il a fait descendre dans le Coran et tout ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous est obligatoire d'aimer sa religion tabaraka wa ta'ala. Que cette chose soit une obligation ou alors un acte recommandé, nous devons l'aimer. Et ensuite l'auteur il nous dit, rahimahullah, السادس, donc le sixième annulatif. من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. Il nous dit: celui qui se moque d'une chose faisant partie de la religion du prophète, la religion du messager صلى الله عليه وسلم, ou de sa récompense ou de sa punition, celui-ci aura mécru. Il nous dit, rahimahullah, wa dalil, qawluhu ta'ala, et ensuite il nous dit donc la preuve, la parole d'Allah ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc, ô chers frères, celui qui se moque d'une chose faisant partie de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura mécru, comme celui qui se moque du siwak ou celui qui se moque du jilbab ou celui qui se moque de la barbe. Tout cela fait sortir de l'islam. Car le siwak fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jilbab fait partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que la barbe. Et donc celui qui se moque de cela sort de l'islam. Et il est vraiment... aujourd'hui, peut-être que les gens en Martinique, lorsqu'on leur cite ce genre de choses, le fait de se moquer de la religion, peut-être qu'ils peuvent se dire: nous, on n'a pas encore entendu ça. Mais oui, ça arrive. Des gens qui se moquent de la religion. Nous avons par exemple aux Comores. Donc aux Comores, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient une femme en jilbab, ils vont parler d'elle en disant ninja. Et cela vraiment nous attriste de voir que ce genre de comportement, on les trouve dans des pays musulmans. Et cela nous montre comme nous sommes loin de l'application de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc l'individu peut sortir de l'islam à cause d'une simple parole, à cause d'une parole qu'il a prononcée. Et en ce qui concerne le verset qu'a cité l'auteur, alors la cause de révélation du verset nous permet de comprendre encore mieux celui-ci. Ibn Umar radiallahu anhuma, il rapporte que un homme a dit, donc lors de la bataille de Tabouk, cet homme, il a dit, Mera eina misla kurra ina haoula, arraba boutounan, wala akzaba al sunan, wala ajbana inda liqa. Il a dit cet homme, je n'ai vu personne qui soit comme nos savants ou alors comme nos récitateurs, ceux-là, ceux qui récitent le Coran. Et ce qui est voulu par là, c'est le prophète et ses compagnons. C'est eux qui avaient la science, c'est eux qui récitaient le Coran, etc. Et donc je n'ai vu personne qui soit comme eux. Qui aime autant manger, personne qui aime plus manger qu'eux, personne qui ment plus qu'eux, et personne qui soit plus peureux que lors de la rencontre. Faqala Awf ibn Malik, kadhabt walakinaka munafiq. La ukhbiranna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Awf ibn Malik qui a entendu cela lui a dit, certes tu as menti, cependant tu es un hypocrite et je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. Et donc Awf ibn Malik, il s'en est allé pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a trouvé que le Coran l'avait précédé. Le Coran l'avait précédé, c'est-à-dire que la révélation avait été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il a dit cet homme. Donc cet homme, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur sa monture, sur sa chamelle, et il a dit, oh messager d'Allah, certes, nous ne faisions que discuter et parler comme le font les voyageurs, ceux qui sont en voyage, afin de faire passer le temps du voyage, le temps de la route. Innama kunna nakhudu wa nal'ab, certes nous ne faisions que discuter et jouer en fait, on n'était pas sérieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait à cet homme, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait rien de plus que cela. Il ne faisait que dire cela, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il y a plusieurs leçons importantes dans cette histoire. C'est que il est permis d'informer le gouverneur de ce qui se passe dans la communauté qui est contraire à la législation. Et cela ne fait pas partie de al-riba. Cela ne fait pas partie, donc, de al-riba qui est interdite. Donc le fait d'informer le gouverneur de ce qui se passe dans la communauté qui est contraire à la législation, cela est permis. Et donc celui qui tombe dans cela, dans cet acte, le fait de se moquer d'un élément faisant partie de la religion, il lui est obligatoire de se repentir, il lui incombe de se repentir, car certes celui-ci est tombé dans la mécréance. Et il nous est obligatoire, aux chers frères, de nous méfier de cela et de tout ce qui ressemble à la moquerie, au fait de se moquer de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est là qu'on comprend, aux chers frères, la gravité des propos qu'ont pu prononcer certains individus, plutôt un imam, un soi-disant imam en France, qui disait que il est permis de caricaturer le divin. Quelle est lourde, quelle est grave cette parole? Qu'est-ce que cette parole est grave? A'udhu billah. Aujourd'hui, on ne parle même pas d'une personne qui va faire une caricature, on parle d'une personne qui rend cela licite. Une personne qui rend licite le fait de se moquer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cela, après qu'un homme ait fait la caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet imam a voulu répondre en disant: mais il est permis de caricaturer le divin. Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole fut tellement choquante que même un prêtre lui a répliqué dessus. Un prêtre a répondu à cela et a dit que cela n'était pas permis. Qu'Allah nous préserve de la mécréance et des causes qui font tomber dans la mécréance. Certains savants se sont appuyés de ce hadith et de ce verset pour dire qu'il n'est pas mis en condition, lorsqu'on taxe un individu de mécréance, un individu spécifique de mécréance, lorsqu'on le taxe de mécréance, il n'est pas mis en condition le fait que l'individu sache que l'acte qu'il a accompli fait tomber dans la mécréance. Ce n'est pas une condition. On ne te demande pas forcément, est-ce que tu sais que ce que tu viens de faire là, ça fait tomber dans la mécréance? Si tu dis non, je ne savais pas, ah ben non, tu n'es pas tombé dans la mécréance. Il dit, les savants qui mettent cela en condition, ils n'ont pas de preuves. Et d'ailleurs, ce hadith, ou cette histoire, et ce qu'il y a dans ce verset du Coran, nous montre le contraire, ce n'est pas une condition. Cet homme, il ne lui a pas été demandé, est-ce que tu sais que ce que tu viens de prononcer est de la mécréance? Mais à partir du moment où l'individu sait que ce qu'elle a accompli est interdit, que cela n'est pas permis, cela suffit pour que la mécréance s'applique sur cette personne. Et aussi, certains savants, ils ont cité que le fait d'insulter Allah, d'insulter son prophète ou d'insulter le Coran, le fait de faire cela rend la personne mécréante sans qu'il lui soit demandé quelconque explication. Le fait que la personne insulte Allah, insulte son prophète, insulte le Coran, cela fait la personne sortir de l'islam sans explication. Parce que cela est clair. Par contre, celui qui va insulter les savants, ou il va insulter la religion, alors là, ça demande une explication. Pourquoi est-ce que tu insultes la religion? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux par là? Est-ce que tu veux dire par là que moi, ma façon de pratiquer la religion, elle est trop dure, et donc c'est ce que tu insultes? Ou alors tu veux dire par là que la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette religion-là que tu insultes? Et donc il faut demander, la personne qui insulte la religion, il faut vérifier. Qu'est-ce que la personne veut dire par là? De quelle religion tu parles? Par contre, la personne qui va insulter Allah tabaraka wa ta'ala, qui va insulter le Coran, qui va insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, là on ne demande pas de détails. Pourquoi? Parce que cela est clair. Et donc on comprend de cela que concernant les sujets qui sont clairs, on ne demande pas de détails, on ne demande pas d'explications. Par contre, les sujets qui ne sont pas clairs, les sujets qui peuvent être ambigus, là, on demande un détail, on demande une explication. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et donc, il est important, chers frères, barakallahu fikum, de nous préserver, de faire attention à nos langues et de ne pas nous moquer de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui bi'idnillah et on continue la semaine prochaine inshallah ta'ala dans l'explication de ce livre Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.